Que font les anges? Ne peuvent-ils nous aider? Leur colère est si grande qu'ils ne peuvent nous pardonner. Que font les anges? Nous ont-ils oubliés? J'ai le sentiment étrange de lire dans leurs pensées. Hey, hey, hey. Plus rien ne tourne, tourneront quand on détourne la raison. Un tel coin de non-retour, les anges restent sourds. On prend l'eau depuis trop longtemps, de vagues à l'âme en mauvais sang. Malaise profondément ancré qui nous font pourtant dériver. Les dégâts causés par les eaux doivent être visibles d'en haut. Mais je ne sais pourquoi les anges ne s'en font pas. Ça n'a aucune sorte d'importance. Peut-être même qu'on les dérange, ou même qu'ils s'en balancent. Simplement, que font les anges? Ne peuvent-ils nous aider? Leur colère est si grande qu'ils ne peuvent nous pardonner. Que font les anges? Nous ont-ils oubliés? J'ai le sentiment étrange de lire dans leurs pensées. Entre deux eaux, c'est l'amertume qui coule à flot, laissant toujours un goût amer en son de nos fautes. Oui mon frère, si nos prières restent vaines, c'est que les anges ont de la peine. Tant de choses à nous reprocher qu'ils ne savent pas où commencer. Les dégâts causés par les eaux n'épargneront pas le bateau. L'eau sera déçue, comme de bien entendu. Et si nos prières restent vaines, c'est que les anges ont de la peine, ou même qu'ils s'en balancent. Simplement, que font les anges? Ne peuvent-ils nous aider? Leur colère est si grande qu'ils ne peuvent nous pardonner. Que font les anges? Nous ont-ils oubliés? J'ai le sentiment étrange de lire. L'eau sera déçue, si, comme de bien entendu. Et les anges pleurent à grosses larmes, démunis devant ce grand drame. Ou même qu'ils s'en balancent, simplement. Que font les anges? Ne peuvent-ils nous aider? Leur colère est si grande qu'ils ne peuvent pardonner. Que font les anges? Nous ont-ils oubliés? J'ai le sentiment étrange de lire. Et à bientôt. Au revoir.